Lundi le 18 juillet, ici Dominique Lelièvre et les informations à CKRL. Tout d'abord, le Festival d'été de Québec dresse un bilan fort positif de sa 49e édition. La direction rencontrait les médias en matinée. Aucun chiffre concernant l'achalandage n'a été révélé. Le directeur général Daniel Gélina a néanmoins avancé que la moyenne d'achalandage de la Sainte-Belle pourrait fracasser des records cette année. Il s'est aussi réjoui de la participation des festivaliers en dépit d'une météo parfois en dents de scie. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que j'ai comme l'impression que le public de Québec a pris cet événement-là comme le sien puis s'est dit « il faut que ça marche ». Après ça, le week-end faisait encore froid puis il y avait de plus en plus de gens jusqu'à dimanche soir où j'ai fait le tour des sites puis j'ai dit « mais voyons donc, il n'y a plus personne quasiment dans les maisons aux alentours ». Probablement encore pire samedi soir cette semaine. Vous l'avez lu ce matin puis c'est pas étonnant que tout le monde a fracassé des records dans les restaurants le dernier week-end. Moi, j'ai été pris dans la foule samedi soir en revenant de la scène d'Auto-Québec puis j'étais comme pris comme ça. J'ai marché tranquillement, puis je suis arrivé de Grand Allée, puis c'était encore ça. Donc, c'était probablement la soirée où moi, j'ai jamais vu depuis l'histoire, depuis 15 ans, je suis festival, j'ai jamais vu un achalandage aussi intense partout, alors qu'on avait une foule absolument épouvantable à la Sainte-Belle, puis qu'on était plein sur les autres sites, mais dans les rues, en plus, les gens sont venus au festival et ont participé. Donc, ça, c'est, en tout cas, bravo, public ouvert, volontaire et présent. Le directeur général qui s'est aussi félicité du succès du Chœur du Fec et de la scène FIB, une nouveauté cette année qui a permis à une trentaine d'artistes émergents de se faire entendre. Le réseau de transport de la capitale a pour sa part annoncé avoir connu un achalandage en hausse de 31% au cours du festival. Transat Québec-Saint-Malo maintenant, les quatre voiliers en tête ont pris du retard dans les dernières heures en raison de vents défavorables. La course tire à sa fin cependant, puisque les premiers triamarans sont attendus mercredi matin à Saint-Malo. L'Arkema domine toujours dans sa catégorie, il n'est plus qu'à 550 km de sa destination finale, mais il avance lentement à 23 km par heure. Et enfin sur la scène internationale, la plupart des victimes de Nice sont désormais identifiées, au moins 71 victimes ont été formellement identifiées et les premiers corps ont été restitués aux familles en matinée aujourd'hui. C'est ce qu'a révélé le procureur de la République, François Molin, plus tôt. Plus de 70 personnes sont toujours hospitalisées, dont 19 sont dans un état critique. Et pendant ce temps, bien, l'enquête se poursuit. À ce stade, c'est les communications de l'auteur de l'attentat dans les jours précédant les événements qui intéressent les enquêteurs. Ils essaient aussi de comprendre le processus ayant mené à sa radicalisation. Et c'est ainsi que se complète ce point sur l'actualité. De retour à l'émission Midi Jazz.